D-I-O-X. Fréco. J'en ai perdu des années. Et je sais très bien que je peux pas les rattraper. On ne m'a pas dit qu'elles allaient s'écouler si vite. C'est un peu comme si on me les avait volées. Ouais, c'est pour ça que je prends ma revanche. Je sors le mic, je retrousse mes manches et je me venge. Diabo, hey, diabolique est mon rap. Hyperactivité est mon seul handicap. Nigga, négro, D-I-O-X. Sens-tu que cette musique donne des envies de rix? C'est doux, c'est calme et violent à la fois. J'ai presque envie de me faire mal à la voix. Hey, mangeur de pierre en pleine action. Y'a ta balle traîne qui va avoir très mal au fion. Fréco, hey, D-I-N-G-O. Le chien sauvage à la peau, j'ai besoin de flow. On a tous les noyaux durs, tous les nerfs en acier. Faut savourer une défaite pour une revanche gagnée. Si la vie est une lutte, on est venu armé. Et si la vie fait la pute, faudra l'apaiser. On a tous les noyaux durs, tous les nerfs en acier. Faut savourer une défaite pour une revanche gagnée. Si la vie est une lutte, on est venu armé. Et si la vie fait la pute, faudra l'apaiser. Ouais, Frico, notre vengeance se mange chiffrée. Les chiens entrent dans la cabine pour se livrer. J'suis le négro, grosse babine, j'connais le CV. J'ai la force des mots, le poil hérissé. Criminel dans les mots, revanche à mon ego, Frico négro. Frico négro, faut récupérer notre dû. Plier les tortues, y'a pas de gosse né. Les mangeurs de pierre ont l'estomac rocailleux. Sortez les civières, on passe aux aveux. J'avoue qu'ils savent, on fait pas dans les sentiments. Quand la vengeance nous lave, c'est tard. Y'a pas de mystère. Le goût de ma revanche mène au cimetière. Fréco négro, Fréco négro. On est tous dingos, tous affamés derrière ce micro. La voix m'écrase, le flow qui tord les boyaux. Aboyez, nous on est venus morts. Conscient que notre revanche, une révolte qui fera désordre. On a tous le noyau dur, tous les nerfs en acier. Faut savourer une défaite pour une revanche gagnée. Si la vie est une lutte, on est venu armé. Et si la vie fait la pute, faudra l'apaiser. On a tous le noyau dur, tous les nerfs en acier. Faut savourer une défaite pour une revanche gagnée. Si la vie est une lutte, on est venu armé. Et si la vie fait la pute, faudra l'apaiser. On a tous le noyau dur, tous les nerfs en acier. Faut savourer une défaite pour une revanche gagnée. Si la vie est une lutte, on est venu armé. Et si la vie fait la pute, faudra l'apaiser. On a tous le noyau dur, tous les nerfs en acier. Faut savourer une défaite pour une revanche gagnée.